Chapitre 1. 2158, année Upléenne. Par-delà le cratère complexe situé la capitale Zélaïdo, la princesse Zélée observait depuis sa fenêtre du palais royal le spectacle offert par le soleil artificiel. Installé en orbite autour de la planète Upléas, il prenait le relais du soleil naturel, Réas, pendant les mois d'hiver. Cet artefact ne reproduisait pas toute la puissance de l'original, mais il parvenait à éclairer d'une puissance bien suffisante les étendues infinies de sable du pôle Nord. Bien que les remparts de roches dissimulassent presque entièrement la mégapole, la princesse s'imaginait bien les rayons se reflétant sur les murs cuivrés de chacun des buildings, et c'était ce qui donnait à la cité cette impression de trésor scintillant de mille feux. Sur ordre de la reine Zeninouma, la princesse Zélée devait recevoir des cours particuliers en réel. Il n'était pas dispensé via son implant cérébral, ni téléchargé. Elle devait se trouver dans la salle de cours du palais royal avec un professeur de renom, soigneusement sélectionné. Pour s'assurer que la princesse suivait les cours avec assiduité, les murs de la salle coupaient toute réception que l'implant aurait pu capter. Ce système était plutôt inédit car l'absence de réception dans quelque lieu que ce fût était toujours mal vue. Les implants s'étaient propagés dans la galaxie dès leur lancement sur le marché du comète, et le dernier modèle, l'implant U, permettant de diviser son esprit pour effectuer plusieurs tâches à la fois, avait conquis de nombreuses populations. Cette technologie avait été implantée dans le cerveau de Zélée dès ses 7 ans, l'âge minimum pour poser un implant sur un individu de l'espèce Nifienne. Plus on apprenait à s'en servir tôt, plus on était dans la possibilité de diviser son esprit et de réaliser des tâches qu'une impressionnante complexité. Bien sûr, l'habileté de division d'esprit n'était pas commune à toutes les espèces, et certaines se révélaient incapables d'utiliser leur implant sans stopper toute action de leur corps physique. Les jeunes Upléens atteignaient la moyenne, qui était de 4, voire dépassaient légèrement. La reine Zeninouma, trop âgée à la sortie du produit, et éprouvant une aversion naturelle pour les gadgets technologiques, n'arrivait pas à aller au-delà des 2 divisions, en plus des mouvements de son corps. La princesse Zélée, quant à elle, pouvait effectuer 4 tâches complexes simultanées et une tâche simple. Si elle se contentait de rester en tâche simple, elle pouvait en combiner 7. Elle continuait à s'acharner pour toujours se dépasser. Elle ne se déconnectait jamais du Rézarc. La déconnexion de l'implant U n'était pas, en fait, envisageable. Une fois en place, il faisait partie intégrante du corps et le mettre de côté serait revenu à stopper volontairement une partie de son activité cérébrale. C'était impossible. Zélée connaissait parfaitement les raisons qui poussaient la reine à lui demander de se déconnecter du Rézarc. Elle voulait faire de sa fille la meilleure reine possible pour la planète, et cela ne pouvait se faire sans un enseignement assidu. Zélée savait que Zeninouma pensait que le meilleur moyen de rester concentrée était de n'effectuer qu'une seule tâche à la fois, de se dévouer entièrement à elle. Ce concept était bon pour la vieille école, il en était tout autrement pour les nouveaux implantés U. Se séparer de l'implant était une déchirure et un manque, si bien qu'il ôtait à Zélée toute possibilité de concentration et d'écoute. Son instructeur débitait son cours de géopolitique les yeux rivés sur un hologramme de courbes et statistiques, pendant que les héritières avaient le regard tourné du côté de la fenêtre et au travers de laquelle le va-et-vient des navettes qui reliaient les gares terrestres au spatioport en orbite dans le ciel, à plusieurs dizaines de kilomètres, pouvait être observé. Les vaisseaux émergeaient de la faille Ifano, une gigantesque crevasse servant de base de lancement. Leur vol était presque entièrement verticaux. Leur coque reflétait le temps de leur ascension, la lumière aveuglante du soleil artificiel, sur les murs cuivrés du palais et dans les yeux plissés de la princesse. Ils s'élevaient de plus en plus haut, à vitesse plus ou moins lente, selon le poids de leur chargement et de leur taille, et pour finir disparaissaient, quand ils n'étaient plus que des points minuscules s'évaporant dans le ciel tilleul vierge de tout nuage. Ces allers-retours, Zélée les notait à peine. Au début, du cours, ils avaient dû capter son attention 5 minutes, et maintenant, elle était en pleine rêverie. Aucun son n'atteignait ses fentes auditives. Aucune image n'atteignait son nerf optique. Elle était là, assise, sans pensée particulière. Déconnectée de son implant, elle ressemblait à un robot avec une batterie déchargée. L'instructeur remarquait bien cette absence totale de focalisation. Il était conscient qu'à chaque cours dispensé, rien n'était retenu, Et c'était pour cela qu'il prévoyait d'enregistrer ces leçons, pour pouvoir les transmettre à la princesse dès qu'elle aurait été reconnectée au Rezark. C'était seulement à ce moment qu'elle serait en mesure d'en retirer un enseignement. Le cours pénétrerait son esprit aussi vite que son téléchargement. Elle n'aurait pas besoin de lire, de voir. L'apprentissage se ferait en même temps que le transfert. Cette capacité d'analyse de données était une tâche complexe qu'elle maîtrisait avec brio. Mais aucune expérience ni réflexion ne venait compléter ses nouvelles connaissances. Le cerveau des individus implantés, étant enfant, répondait particulièrement bien à la gestion de cette fonction. Un gain de temps prodigieux qui ne laissait jamais la reine croire que les cours réels étaient inutiles. Toutefois, un événement finit par la ramener à la vie réelle. Un gigantesque cargo amorçait sa descente et son immense ombre ternissait une partie des remparts périphériques du cratère dans lequel était bâtie la capitale. Le vaisseau était de type Citernao. Ses modèles servaient à approvisionner les planètes membres du comète dont les ressources n'étaient pas suffisantes pour subvenir aux besoins de la population. Des mois entiers à sillonner la galaxie pour alimenter les mondes assoiffés tels que Hupléas pouvaient l'être par moments. Les approvisionnements ne s'opéraient qu'à date précise. Les ailés étaient persuadés que le dernier avait bien eu lieu au début de l'été. Elle n'avait pas souvenir d'un quelconque retard à déplorer. L'absence de connexion au Rezark l'empêchait de s'assurer instantanément de la véracité de son souvenir et la faisait terriblement douter d'elle-même. Elle ne pouvait pas non plus directement accéder au service de gestion de l'eau, accès permis par son statut hiérarchique, pour en apprendre davantage sur cette livraison. Cela lui tortura l'esprit et la mit très mal à l'aise. Par chance, son instructeur lui annonça la fin du cours et il n'eut pas à se répéter pour voir Zélé quitter la salle d'un pas vif, mais non dénué d'élégance et de souplesse. Malgré sa précipitation, elle n'oublia pas de le saluer, respectueusement, avant de franchir la porte coulissante. Dès le franchissement du sas, les murs capitonnés coupant la réception du signal étaient d'une impressionnante épaisseur. Un frisson la parcourut pendant une microseconde, mais ce bref instant quasiment imperceptible était un apaisement total. L'instant qu'elle chérissait le plus en ses débuts de journée, la connexion était rétablie. Son inquisition ne se fit pas attendre. En moins d'une minute, elle eut connaissance des fichiers de la gestion de l'eau et apprit que l'arrivée du vaisseau était bel et bien prévue et que la dernière livraison avait eu lieu comme elle le pensait. Alors que faisait ce cargo ici? La consommation d'eau n'était pas plus élevée que de coutume. Le nombre de touristes ne s'était pas accru de manière alarmante comme ce fut le cas quelques années auparavant, quand une campagne de publicité intersidérale s'était attelée à vanter les bienfaits des vacances sur les planètes désertiques. Un afflux incroyable de touristes s'était fait ressentir et l'eau était venue à manquer. Des livraisons supplémentaires avaient dû être faites d'urgence. Dans le corridor du rez-de-chaussée, au mur d'albâtre bordé de poutres en sélénite, Mimisha, une humaine de la Terre et servante de la princesse, attendait zélée à la sortie du cours, comme à son habitude. Préoccupée par les faits étranges concernant le cargo citerne, l'héritière ne remarqua sa dame de compagnie que lorsque celle-ci lui adressa la parole. Mimiché parlait l'upléen, couramment, bien que cette langue lui fît horreur. Le son rauque de l'articulation des mots lui donnait l'impression de se racler la gorge en permanence, et elle avait souffert de bien des maux et irritations avant de pouvoir parfaitement le maîtriser. Mimichon n'était d'ailleurs pas sûre que ses cordes vocales se soient parfaitement adaptées à leur nouvel usage. « Princesse Zélé, le temps est idéal aujourd'hui. » Zélé effectuait une communication simultanée avec sa mère et malgré sa préoccupation due à la situation, elle était tout à fait en mesure de dialoguer avec Mimicha comme si de rien n'était. « Mimicha, en effet, maintenant que tu as me le dit, le rafraîchissement de l'hiver se sent un peu plus chaque jour. Je t'avoue que j'avais à peine remarqué. Je suppose que tu vas t'attendre à une sortie. Tu as sans nul doute également préparé Goba et ton être Bolbolcou. Princesse Zélé, vous me connaissez décidément trop, mais j'ai seulement préparé Chitral. Je vous laisse le plaisir de vous occuper du vôtre. Mimicha, tu sais que Goba n'a rien contre toi. Au contraire, il t'apprécie beaucoup. Combien de fois devrais-je te la dire? Princesse Zélé, vous pouvez me le dire autant que fois que vous le voulez. Même y passer votre vie, cela n'y changerait rien. Jamais je ne pourrais croire que ce gros lézard s'est donné pour autre but dans l'existence que celui de me harceler. Vivicha, tu me feras toujours rire avec tes exagérations. Princesse Zélé, vous savez que je n'exagère rien. J'ai dû demander à la palefrenière d'installer une porte à la stalle de Chitral pour pouvoir la préparer, en toute tranquillité, car votre gobain avait mangé la corde que j'avais accrochée, tout cela pour avaler mes affaires. Mimicha, il ne s'agit là que de gourmandise, en rien d'un complot établi contre toi. Princesse Zédée, que voix dites ? Un jour, je vous en apporterai la preuve. Mimicha, bien sûr, allez, je me prépare et je te rejoins dans la cour du palais. Connexion. Mère Ninouma, un cargo citerne a atterri à l'instant et les fichiers de la gestion de l'eau indiquent que tout est en ordre, que cette commande était programmée. Je ne comprends pas le but de cet approvisionnement ni pourquoi je n'en ai pas été tenu informé, même consulté. Fille zélée, tu as bien assez à faire avec tes cours, tes formations et gestion attribuées du royaume pour te soucier des arrivages des citernes. Mais je suis ravie de te voir si soucieuse. Passe tout à l'heure me voir. Cela fait bien longtemps que nous sommes vus. Mère Zinima, vous êtes au palais ? Fille zélée, ne vois-tu pas mes appartements derrière moi ? Mère Zinima, qu'importe où vous vous trouvez dans la galaxie, une projection de vos appartements est toujours affichée derrière vous. Fille zélée, eh bien sache que je suis bien présente dans ces lieux, et j'ai cru comprendre que tu dois sortir avec ta servante à l'instant. Mère Zinima, tout à fait. Vous savez à quel point les détentes du corps physique sont importantes, et elles ne requièrent point d'efforts mentaux. Mon esprit est tout disposé pendant ce temps à travailler. Fille zélée, ne te justifie pas de cela. Je la sais bien. Tu es semble ignorer que j'ai eu une jeunesse. Seulement, je te demanderai de t'adonner à tes loisirs seul aujourd'hui. J'ai besoin de ta servante auprès de moi. Mère Zinouma, de Mimicha, mais... Très bien, je vois l'envoi. Fille zélée, Mère Zinouma, qu'y a-t-elle ? Fille zélée, inutile de te la cacher, ça ne serait pas honnête de ma part. La nouvelle citerne est pour l'oasis. Mère Zinouma, l'oasis ? Mais vous m'aviez dit que son irrigation n'appauvrissait en rien nos ressources. Fille zélée, c'est ce que j'appensais jusque-là. Mais petit à petit, la consommation de l'oasis s'est accrue. Malgré l'excellente isolation de la verrière, celle du sol n'est pas évidente. De plus, l'été a été particulièrement chaud cette année. Mère Zinouma, comment êtes-vous parvenue à obtenir une subvention supplémentaire pour l'eau ? Fille zélée, le quota des citoyens immigrants a été revu à la hausse. Le comète n'a plus qu'accéder à ma requête. Tu vois comme il te reste de choses à apprendre. Mère Zinouma, vous observez gouverner est plus instructif que tous les cours qui pourraient jamais m'être dispensés. Cependant, cette action n'est pas très honnête. Fille zélée, elle ne l'est pas tout à fait. Mais n'oublie pas qu'elle en va de ta santé, et que notre population entière compte sur toi. Depuis que l'oasis a été aménagée, c'est seulement maintenant que de l'eau doit être artificiellement ajoutée. Mère Zinima, vous avez raison. Je transmets votre message à Mimicha. Fin de connexion. La conversation par un plan ayant dépassé le temps de celle que Zélé avait eue en réel avec Mimicha, la princesse se trouvait déjà dans ses appartements et était en train de se mettre en tenue pour sa sortie quand elle coupa la connexion établie avec sa mère. Une fois habillée, elle étala sur ses bras, ses jambes et son ventre, les parties nues de son corps, un baume protecteur contre les rayons du soleil. Elle appliqua des lentilles anti-UV sur ses yeux, puis se hâta de rejoindre la servante qui l'attendait dans la cour du palais, devant la grille est qui ouvrait sur le désert opposé à la capitale s'étendant de l'autre côté de la faille Mzibokoe. Mimicha était déjà en selle et une palefrenière, quelques mètres plus loin, retenait Goba du mieux qu'elle le pouvait. Il fixait avidement lui-même et Mimicha portait sur lui un regard d'appréhension. Elle fut soulagée de voir apparaître Zélé. Enfin, son attention allait se porter sur quelqu'un d'autre. Avant même qu'elle ne soit visible par la baie vitrée du couloir, Goba identifia le pas de sa maîtresse et détourna son attention de Mimicha pour fixer de ses yeux globuleux le bout de l'allée. Quand Zélé apparut, la palefrenière libéra le Bolwolko, qui accourut vers la princesse. Zélé et Goba se voyaient tous les jours, mais chaque séparation était aussi difficile pour l'un que pour l'autre. Mimicha, Reine Zinouma te demande auprès de Ven. Tu ne m'accompagneras pas, je la déplore. Princesse Zélée, bien, Reine Zinouma est également ma maîtresse. Je vous retrouve à votre retour alors, sauf si Reine Zinouma a besoin de moi plus longtemps que ne durera votre promenade. Mimicha, nous verrons. Princesse Zélée, pour une fois, les regards persistants de Goba me seront épargnés. Mimicha, tout cela vire à la paranoïa. Nous y allons, à tout à l'heure. La reine ne faisait jamais appel à la servante de Zélée. Elle disposait des siennes, bien sûr, et elle semblait également peu apprécier la compagnie de cette humaine qu'elle tenait comme appartenant à une espèce sous-évoluée. De mémoire, Zélé ne pouvait trouver la moindre requête similaire de la part de la reine. Pourquoi donc avait-elle besoin de Mimicha aujourd'hui? Quoi qu'il en fût, elle décida de ne plus penser à de telles insignifiances et enfourcha son bobole court, Goba, tout frais et dispo, qu'il était désireux de fouler le sol de son pas d'amble. Chaque jour, la princesse s'offrait une balade en extérieur pour dégourdir ses muscles et gagner l'oasis qui lui était réservée. L'oasis était une zone de végétation luxuriante, unique sur toute la surface de la planète, située dans un cratère. Les lieux étaient une réserve naturelle interdite au public, protégée d'un immense dôme transparent qui ralentissait l'évaporation. Sans ce dôme protecteur, le cratère vert l'aurait moins été et sa verdure aurait été éparse et aride, comme celle des autres du Pléas en l'espace de quelques années. La princesse était l'unique Nifienne à pénétrer cette zone défendue. Ceci dans le plus grand secret. Seul son très proche entourage, ses parents et sa servante, étaient dans la confidence. Depuis son enfance, il avait été constaté qu'elle souffrait de quelques mal étranges, lui donnant une peau bleue luisante tout au long de l'année. Alors que ses concitoyens arboraient une peau virant légèrement sur le bleu, seulement une partie de l'hiver, et elle restait invariablement sèche. Les médecins en étaient venus à penser que le climat sec, chaud et aride du Pléas ne convenait décidément pas à son organisme. L'évidence était que sa peau demandait une grande hydratation. La première solution trouvée par les spécialistes avait été de lui faire porter une combinaison, qui gardait son corps dans l'humidité, et à une température qu'elle supportait mieux. Mais cette trouvaille fut bien vite écartée. La peau des membres de la princesse, enfants à cette époque, avait besoin d'une constante aération, d'un échange avec l'extérieur, et aucune technologie en matière de tissus et combinaisons ne semblait pouvoir outrepasser ce besoin sans qu'elle ne se retrouvât dans un scaphandre encombrant. Plus tard, l'idée fut suggérée de créer un microclimat tropical qui lui conviendrait et dans lequel elle pourrait se rendre à tout moment pour régénérer sa peau et le confort de son organisme. Alors que la préservation de l'oasis naturelle était délaissée par le gouvernement upléen, la reine Zeninouma décida d'augmenter de manière colossale le budget alloué à l'entretien du cratère vert pour créer une véritable politique de régénération et de conservation. Depuis lors, Zélé s'y rendait pour y passer plus de la moitié de ses journées, systématiquement accompagnée de Mimicha le temps de son enfance. L'oasis était située à une quarantaine de kilomètres à vol d'oiseau du palais, dans la direction opposée à la zone d'urbanisation, à l'est de la faille Mziboko, dissimulée derrière les gigantesques remparts de son cratère. Pour garantir le secret des allées et venues de l'héritière du trône, dans ce lieu protégé, un tunnel avait été aménagé. Une fois sorti de la cour royale, Zélé devait longer les bords escarpés de la faille, puis descendre une pente douce qui menait au passage souterrain. Parcourir les 44 kilomètres à dos de Bogolko aurait pris bien des heures, mais le pas de l'animal était accéléré par le tapis roulant aménagé dans le long du tunnel et qui divisait par trois le temps nécessaire au voyage. En plus d'assurer le silence autour des visites effectuées par la princesse dans l'oasis, le tunnel empêchait Zélé d'être exposée à la chaleur de l'étoile Réas les mois d'été, car sous ce soleil de plomb, elle sentait s'évaporer l'eau qui suintait en permanence des pores de sa peau. À l'intérieur du palais climatisé, elle pouvait se permettre de vivre une journée sans l'oasis. Mais dès qu'elle était exposée aux rayons solaires, elle ne pouvait tenir plus d'une heure sans bientôt se trouver mal. Quant à sa monture, dans aucun des cas elle n'était gênée à de la situation. Les Bolbolko étaient des animaux robustes, s'adaptant facilement à tous les climats, des plus chauds aux plus froids, et c'était bien pour cela qu'ils avaient conquis la plupart des planètes habitées. Zélé voyait enfin au travers de ses lentilles UV la lumière du jour pointée au bout de la galerie creusée dans la roche, et elle apercevait les premières branches de buissons et les plantes rampantes qui étalaient leurs tiges sur les parois de la bouche du tunnel. Sa peau enduite de baume protecteur pouvait tolérer l'air sec un certain temps, mais ses yeux étaient plus vulnérables. Elle portait ses lentilles lors de chacune de ses sorties. La fraîcheur régnant dans la serre envahit le corps de Zélé. Un long frisson lui parcourut l'échine. Sa peau d'aspect batracien se détendit petit à petit et commença à s'imbiber de l'humidité ambiante. La végétation avait encore bien poussé depuis la veille, et des feuilles barraient le passage du chemin que Goba avait choisi d'emprunter ce jour-là. La caresse de la verdure sur le cuir de son crâne l'envoûta et ramena une partie de son esprit sur ce qui se passait dans le monde réel. Alors que pendant toute la traversée, elle s'était concentrée à disperser son esprit dans le réseau pour oublier la sécheresse dont souffrait son épiderme. Goba frôlait le sol d'un galop badin et léger. Zélé épousait son allure avec bonheur et laissait sa monture tourner à son gré, peu lui importait le parcours. Elle appréciait l'instant présent. Les puissants rayons du soleil artificiel apparaissaient dans le microclimat de la serre comme de doux raies de lumière, filtrés par le dôme. Et les feuillages et l'étouffante atmosphère du dehors se transformaient en une aire de paix et de détente. La princesse constatait à quel point la vie pouvait croître et s'étendre vite quand elle en avait l'occasion. Sur le sol aride et inhospitalier du Pléas, rien ne poussait jamais. Il était impossible de croiser la moindre verdure sur la surface de la planète. Il fallait descendre dans les larges failles, à plusieurs dizaines de mètres, pour voir les premières braves plantes naître des parois escarpées. Ces plantes étaient moins jolies que celles de l'oasis, mais elles avaient gagné leur droit de vivre avec tellement de rage que leur résistance aux attaques extérieures se voyait du premier coup d'œil. Ici, d'un jour à l'autre, les feuillages des buissons et leurs fleurs se développaient tellement qu'on avait l'impression de redécouvrir l'endroit de visite en visite. La biodiversité du Pléas n'était rien comparée à toutes les espèces réunies dans le cratère vert. Un visiteur mal informé aurait pu penser que toutes ces fleurs tropicales avaient été importées des quatre coins de l'univers pour remplir le paradis secret de la princesse. Ne pouvant s'imaginer qu'un tel lieu en surface soit naturel sur cette planète désertique, et que ces plantes en soient originaires. Pourtant, c'était le cas. La présence d'une source d'eau claire rendait la zone fertile, et un étang se formait au centre du cratère. En été, la chaleur était trop intense, l'eau s'évaporait en surface, et les plantes disparaissaient presque entièrement, le temps que l'hiver revint, que le sol s'humidifiât à nouveau, et que leurs graines germassent. Après l'installation du soleil artificiel, ce lieu unique était en perdition, mais la reine Znuma fit installer le dôme pour le protéger toute l'année, permettant à sa fille d'en profiter en toute discrétion et à la végétation de pulluler sans interruption. Au détour d'un chemin, Goba tourna subitement. Ce petit changement bref surprit Zélé et son équilibre se trouva fragilisé un quart de seconde. En ce quart de seconde, un bruit fracassant déchira l'atmosphère puis le dôme et enfin les arbres de l'oasis créant un léger tremblement de terre. Goba s'arrêta net d'abord, baissant la tête pour analyser la vibration perçue, releva l'encolure pour humer l'air, puis resta hébété devant les événements, ne bougeant plus d'un pouce, ses yeux rouges globuleux plus saillants que jamais. Tout alla tellement vite que Zélé n'eut pas le temps de tout analyser pour comprendre ce qui se passait, et elle resta tout aussi fixe que sa monture. Mille images défilèrent devant ses yeux et son cerveau tenta de les interpréter aussi vite qu'elle lui parvenait. Un tel fracas aurait amené une monture de la terre à se sauver au triple galop, expulsant d'une ruade son cavalier. Sur Upléas, lieu dénué de prédateurs, les animaux n'avaient pas d'instinct de fuite, ignorant ce que pouvait être le danger immédiat. De la fumée et de la poussière envahirent l'espace. Le nuage se propagea à une vitesse folle et des feuilles multicolores, certaines carbonisées, pleuvèrent. Un énorme grondement se faisait entendre et s'intensifiait, comme si la cause se rapprochait, mais tout restait dissimulé derrière la masse de poussière en suspension dans l'air, et ce fut seulement au moment où Zélé aperçut une gigantesque ombre noire arriver droit sur eux qu'elle talonna Goba pour le sortir de sa stupeur et le faire déguerpir au plus vite. Après trois interminables secondes, Goba retrouva l'usage de ses membres, fit demi-tour et entreprit quelques foulées de galop qui ne suffirent pas à distancer l'ombre menaçante. Recroquevillé en position fœtale sur le sol, les bras protégeant sa tête, Zélé se redressa sur les coudes quand le fracas cessa. L'inhalation de l'atmosphère polluée la fit tousser, et elle attendit que l'air se clarifiât pour comprendre ce qui venait de se passer. Un courant d'air chassa la terre, en suspension, et sa vision se fit plus nette. Des arbres étaient déracinés, des souches se retrouvaient sans leur tronc. Un fossé semblait avoir été tracé en 5 secondes, un monticule de terre bordant chacun de ses côtés. Goba gisait sur le sol, couché sur le flanc. Zélé accourut auprès de lui. Elle posa sa main sur le museau carré de l'animal et lui caressa tendrement la ganache de sa paume. Goba releva sa longue encolure, cligna de ses paupières soudées, se recoucha et s'ébroua gaiement dans la poussière avant d'entreprendre de se relever. Soulagé que sa monture fût saine et sauve, Zélé entreprit d'aller inspecter les lieux. Quelle était la cause d'un tel cataclysme? Zélé s'avança au bord de la motte de terre rassemblée à la fin du fossé creusé, d'où continuait de s'échapper une grande fumée d'une autre nature qui ne se dissipait pas. Un vaisseau, à l'avant complètement enfoncé, était planté dans le sol. La vitre du cockpit était brisée et de la terre s'était en partie effondrée à l'intérieur. Un instant, Zélé resta sur le bord à observer la scène immobile, hésitante sur le comportement à adopter face à pareille situation. Puis elle descendit de quelques bonds, agile dans le ravin, et s'approcha timidement du vaisseau. À l'arrière, malgré la peinture griffée, en langage universel, les symboles alphanumériques NL2BR pouvaient être lus sur la coque. Elle essuya du revers de sa main le hublot de la porte d'accès à l'habitacle. Elle scruta l'intérieur mais ne parvint pas à distinguer grand-chose. Il faisait trop sombre. Aucune des lumières du vaisseau n'était allumée, et le ravin creusé plongeait le véhicule écrasé dans une trop grande obscurité. La porte d'accès était enfoncée et un tronc en gênait l'ouverture. Une aide au halage était nécessaire. Zélé se hissa hors du trou et tapa du pied sur le sol pour appeler son bol-bol court. Goba, curieux, était trop occupé à renifler les souches déracinées pour répondre immédiatement à l'appel. La princesse dut insister davantage pour qu'il daignât la rejoindre. Elle saisit son licol avec douceur et le fit avancer. Le bolboko la suivit jusqu'en bas du ravin. Zélé sortit une corde d'une des sacoches de la selle et l'enroula autour du tronc, puis attacha les extrémités au crochet du pommeau. Goba prit un bon appui et dégagea le bout d'arbre d'un simple coup de rein, sa queue large et puissante fouettant l'air. Maintenant que l'accès à la porte n'était plus obstrué, elle secoua celle-ci et elle finit par s'effondrer dans son rail de coulissement qui pénétrait l'épaisseur de la coque. La princesse entra dans le vaisseau et chercha la trace du moindre occupant. Les sièges passagers sur la droite du sas d'entrée étaient vides. Elle n'avait pas aperçu de pilote par le hublot, mais il devait bien y en avoir un. À l'ergonomie du vaisseau, on constate aisément que le vaisseau était prévu pour une espèce plus massive que celle de Zélé. Les sièges étaient larges et renforcés, construits d'un matériau solide. Ce fut derrière un dossier qu'elle l'aperçut. Un bras dépassait de derrière la console de commande. À l'évidence, le pilote avait dû être éjecté de son siège pendant le crash et avait été projeté contre le pare-brise. Sous le choc, la console s'était avancée, et le pilote était tombé entre les deux. Zélé s'agenouilla devant le blessé et examina ses commotions. Il n'avait pas l'air trop abîmé. Des coupures superficielles zigzaguaient le long de ses bras, ainsi que quelques hématomes. Par le biais de son implant, elle essaya d'identifier l'espèce de l'inconnu, sans résultat. Mais elle vit qu'il était de son gabarit, pas de l'espèce pour laquelle ce vaisseau était conçu. Comme rien ne paraissait cassé, elle entreprit de l'extirper du cockpit, puis elle le hissa en haut du ravin, au niveau normal du sol, faisant deux ou trois pauses pour reprendre son souffle. Assise à côté du corps, elle allait appeler des secours via son implant avant de rapidement se raviser. Personne n'était censé avoir accès au cratère vert. Comment expliquerait-elle sa présence sur les lieux? Appeler à l'aide était prendre le risque de créer un scandale, et c'était ce que la reine voulait constamment éviter, quelle que fût la raison. Si elle ne demandait pas des secours, alors elle pouvait au moins contacter Zinouma. Là aussi, Zélé y songea deux fois. L'étranger n'avait pas l'air de souffrir de blessures graves, et il se remettrait probablement très vite. À quoi bon inquiéter la reine pour si peu? Cet inconnu n'était sans doute pas au fait que la princesse de la planète n'était pas supposée avoir accès à ces lieux, et une fois requinqué, il repartirait chez lui sans avoir causé le moindre souci. Goba était toujours là, attendant patiemment, gobant quelques feuilles par pure gourmandise, laissant son gésier se charger de les broyer. Zélé l'appela auprès d'elle et le fit coucher, étendit le pilote blessé sur son dos et le fit relever. Ils s'engagèrent vers les grottes creusées dans les remparts qui délimitaient le cratère vert. L'entrée du tunnel de la première grotte était sombre. Et Zélé s'enfonça à l'intérieur dans l'obscurité totale, ses lentilles de protection fournissant à ses yeux la lumière dont ils avaient besoin, et son sens de l'orientation aiguë lui permettait de ne pas se tromper à chaque détour dans ce labyrinthe. Goba, aveugle dans les ténèbres, accordait une confiance totale à sa maîtresse et la suivait sans rechigner. Ils pénétrèrent dans une salle dont une percée au plafond laissait filtrer quelques faisceaux lumineux. Goba se coucha sans que l'ordre ne lui fût donné, comprenant qu'il n'irait pas plus loin. Zélé attrapa le blessé par-dessous ses aisselles et l'allongea à même le sol. Il était plus petit qu'elle et nettement plus léger. À l'extérieur, elle chercha des branchages, fougères et lianes et fabriqua une paillasse rapidement, aidée de quelques plantes trouvées sur le Rézarque via son implant, et les vagues souvenirs de travaux manuels que Mimicha avait pu lui enseigner quand elle était petite. Dans la salle de la grotte, elle installa l'inconnu plus confortablement et resta à son chevet un long moment, indécise. Elle le regardait et continuait pendant ce temps à chercher des informations sur sa possible espèce. D'après les recherches effectuées en entrant ses caractéristiques physiques, elle tombait sur Nifien, ce qui correspondait à sa propre espèce. Certes, il disposait des mêmes longs et fins membres anguleux, de deux bandes de cuir partant du milieu de sa tête et retombant de chaque côté de son crâne, de deux mains à deux pouces et deux doigts centraux, deux jambes à pieds articulés finissant en pointe. Cependant, sa peau bleue humide n'était en rien celle verte et sèche d'un Nifien. Zé ne comprenait pas comment il était possible que l'espèce d'un occupant de vaisseau craché ne fût pas répertoriée sur le Rézarque. Cela n'avait aucun sens. Pleine de perplexité, elle se tint debout à le regarder un bon moment, évanouie, son abdomen se gonflant et se dégonflant au rythme lent de son souffle, oubliant le temps qui s'écoulait. À l'observer, la princesse ne doutait pas qu'il se remettrait vite du choc, et que ne pas prévenir les secours était plus sûr. Son regard se perdait dans la contemplation du visage reposé de l'inconnu, et une étrange impression, indescriptible, saisit son âme. L'idée qu'elle n'avait pas affaire à n'importe qui s'empara d'elle, et alors qu'elle essayait de comprendre ce qui pouvait causer la naissance d'un tel sentiment, les trépignements de Gobain devinrent trop bruyants pour qu'elle les ignorât. Avec les signes d'impatience dont faisait preuve sa monture, elle consulta l'heure et se rendit compte qu'elle avait passé bien plus de temps sur place qu'à son accoutumée. Elle était partie depuis trop longtemps. Malgré qu'elle ait continué tout ce temps à effectuer ses tâches officielles par les autres divisions de son esprit grâce à son implant U, et qu'elle ne se fût mise en retard en rien, sa mère lui avait demandé de passer la voir, et elle devait être attendue. Cependant, elle songea que si la reine avait perdu patience, elle l'aurait certainement contactée, ce qu'elle n'avait pas fait. Qu'importaient les raisons du silence de la reine, Zelinoma, Zélé se dépêcha de sortir de la grotte après avoir glissé une paillasse roulée en boule, en guise d'oreiller sous la tête de l'étranger, et remonta en selle et fit galoper Goba vers le palais. Le galop du Bolbolquo avait beau raccourcir le temps de la traversée, si elle avait pu elle-même gérer la vitesse de défilement du tapis roulant, le retour aurait vraiment été plus rapide. Sa mère n'était jamais au palais. Elle passait sa vie au cœur du comète. Et il fallait qu'elle se trouvât sur Upléas le jour où un vaisseau avec un inconnu à son bord s'écrasait dans l'oasis de la princesse. Zélé aurait voulu assister à son réveil, savoir d'où il venait. Elle n'avait encore jamais vu d'être semblable, et son implant n'avait pas été en mesure d'identifier son espèce. Tout ça la laissait très perplexe. Les grilles de l'enceinte du palais étaient grandes ouvertes, et elles furent franchies à toute vitesse. Les gardes virent à peine la princesse passer, mais aucune sécurité ne fut bravée. L'implant de la princesse avait été détecté, identifié et validé à une distance appréciable par le champ de protection du palais, lui permettant de franchir le portail sans souci. Mimicha, l'air paniqué, attendait sa maîtresse dans les écuries. « Princesse Zélé, vous voilà enfin !»« Mimicha, pourquoi ne m'as-tu pas contactée ? Quand décideras-tu pas à utiliser un implant ?» Mimicha, en tant qu'humaine, ne pouvait pas vraiment diviser son esprit pour que cela devînt un avantage. Et l'implantation serait faite trop tardivement. Elle ne pourrait s'habituer à cette greffe. Son esprit n'arriverait pas à commander aisément son implant, sauf si elle en venait à cesser toute activité physique, et encore. La servante emmena l'héritière en la tirant par le bras. Mimicha se permettait si peu de toucher sa princesse qu'il devait vraiment s'agir d'une urgence. Mimicha poussa Zélé dans la navette souterraine qui reliait directement le palais royal au temple. Dans le wagon, Mimicha fit pénétrer Zélé dans une antichambre aménagée à l'arrière. Là, un vêtement d'apparat était suspendu à un mannequin. C'était une longue robe rouge sang, rigide, à col inflexible. Des baleines raides métalliques partaient de tout le tour de la taille et allaient toucher le sol. Les baleines étaient reliées entre elles par un tissu noir brodé aux mailles espacées permettant de voir au travers. Ce même tissu recouvrait celui rouge sang opaque du corset. Mimicha, sans mot dire, fit déshabiller Zélé, lava avec soin son visage, imbibant une éponge pourpre d'eau contenue dans une bassine de cuivre et habilla l'héritière de la tenue solennelle. La robe ne pouvait pas se passer seule. Une tierce personne devait être présente pour la soulever et la passer par la tête. Perchée sur un tabouret, Mimicha fit descendre comme une cloche la robe le long des courbes du corps de Zélé, et les baleines frôlèrent le sol, les pieds de la princesse dépassant légèrement. Les bras étaient découverts, les épaulettes pointues entouraient les selles, et pour finir, un bonnet venait orner la tête. Il recouvrait les deux côtés du crâne et laissait libre la nuque, comme le visage. La robe était terriblement inconfortable. Zélé se sentait comme dans une armure, totalement bloquée, le gonflement de sa cage thoracique sous l'effet de sa respiration était gêné et le maintien de la colonne vertébrale empêchait toute inclinaison. Le col, qui remontait jusqu'au menton, ne lui permettait pas de tourner la tête ni d'effectuer le moindre hochement. Tout son corps devait faire le même mouvement si elle souhaitait changer de direction. À l'instant où elle avait vu la robe accrochée au mannequin, Zélé avait compris de quoi il s'agissait. Elle s'était doutée en début d'année que la cérémonie ne tarderait pas à arriver. Mais il était impossible de prévoir quand elle aurait lieu puisque le calcul de la date était laissé aux soins du dévot. La cérémonie d'implantation, étant hautement symbolique mais également douloureuse pour l'héritière concernée, la date n'était connue que du dévot qui l'annonçait le jour même à la reine. Tout était alors accéléré dans le palais. Toutes les personnalités présentes ce jour-là devaient se rendre au temple pour être témoins du rituel. L'héritière était habillée en hâte, aux derniers instants précédant le commencement du culte, pour empêcher toutes sortes de duperies, prises d'anesthésiens et autres antidouleurs. À peine Zélé fut-elle prête que la navette était arrivée à bon port. La porte s'ouvrit, automatiquement, sur une petite pièce au mur de marbre, caractéristique du temple, éclairée par la faible lueur d'une simple bougie négligemment posée sur une table en pierre. Cela faisait quelque temps qu'elle était allumée. Une flaque de cire s'était écoulée et avait pu sécher. Heureusement qu'il n'y avait aucune différence de niveau entre la navette et le quai, car Zélé n'aurait pu descendre la moindre marche avec sa robe peu commode. Mimicha dépassa sa maîtresse et elle a donné deux coups à la porte incrustée de rubis, du fond, et se retira des lieux d'un pas rapide par une petite issue dissimulée derrière un rideau pourpre. Zélé s'avança devant la porte où Mimicha venait de toquer. La porte de l'ascenseur coulissa, elle pénétra l'espace cylindrique. Il n'y eut rien à faire. À peine eut-elle pris place que la porte se referma et qu'elle sentit l'élévation de l'appareil. Elle ignorait à quelle profondeur elle se trouvait exactement, mais le voyage eut le temps de faire naître en elle une certaine appréhension, et elle sentit que ses jambes commençaient déjà à flageoler sous son poids. Tomber, défaillir lui était impossible. L'armature métallique constituant sa robe la prévenait de toute chute. À la moindre flexion de genou trop aiguë, les baleines de la robe toucheraient le sol et lui assureraient un équilibre parfait. Le pan de la porte en bois noir bascula. Zélé vit le dévot placé au centre de la nef du temple. Le discours avait été prononcé. La foule attendait. Le dévot tourna vers la princesse son regard creux et vide. Zélé respira aussi profondément qu'il lui fut possible et arpenta l'allée carrelée qui la menait vers l'estrade. La foule la fixait ne la quittait pas un instant des yeux. Même si elle ne pouvait tourner la tête pour voir leurs yeux, elle sentait le poids de leurs regards braqués sur elle. Elle les imaginait ne sciant des paupières à aucun moment. Elle sentait également le lourd regard de la reine sur elle. Celle-ci était placée au-dessus de la scène, dans le balcon qui lui était réservé, le roi idlé à son côté. Comme l'allée arrivait par le dessous du balcon, Zélé n'avait pas eu l'occasion de croiser le regard de sa mère. Pourtant, il ne lui était pas difficile de l'imaginer. Elle souhaitait de tout son cœur faire l'honneur à sa mère, et elle espérait, au plus profond d'elle-même, qu'elle serait à la hauteur. Le dévot parlait dans un langage étrange, suffisamment fort pour être entendu de tous, mais l'articulation des mots était bien trop mâchée pour que ce qui que ce fût ne comprît ce qu'il disait. À croire que depuis la cérémonie du baptême, les signes du temps se ressentaient plus dans sa voix que sur son apparence. Ses grandes bajoues creuses et pendantes, telles les babines d'un bouledogue terrien, vibraient, se gonflaient, se creusaient davantage au cours de son discours. Sa lèvre inférieure, ridée et fébrile, semblait à elle seule être atteinte de la maladie de Parkinson. De son bras maigre et fripé, il saisit celui ferme et délicat de la princesse et le tira à lui. Zélé fut surprise de la poigne de cet être minuscule et chétif aux pieds démesurés. Gardant sa main droite soigneusement cramponnée au bras gauche de la princesse, Il s'empara d'une pince prolongée d'un cône d'acier pointu, posé sur l'autel, et commença son office sans ménagement. D'un coup sec, il planta le cône dans l'avant-bras de l'héritière qui n'eut pas le temps de réagir tellement le coup fut vif. Ceci eut un premier cri de douleur ou une grimace qu'elle n'aurait su retenir si elle avait vu la pince s'approcher doucement. Le dévot commença à écarter la pince et le sang perla à la surface de la peau bleue luisante de Zélé. Les mâchoires de la princesse se crispèrent et ses paupières se fermèrent si fort qu'elle eut pensé ne plus jamais pouvoir les rouvrir. La gorge serrée, elle tentait de trouver un autre moyen d'évacuer la douleur que dans le son d'un cri couard. Elle sentait ses genoux incapables de la porter plus longtemps et se fléchir. Elle savait que toute l'assistance avait les yeux braqués sur le voile noir transparent de sa robe, qui permettait de constater à quel point l'héritière était en train de faiblir sous la douleur. Cette pensée lui donna un regain de dignité immédiat. Elle tendit ses jambes. Les branches de la robe ne touchèrent plus le sol. Un frisson parcourut le public. Elle rouvrit les yeux, arbora un air digne, mais fut incapable de relâcher ses mâchoires. Elle vit le dévot se saisir de la perle de rubis taillée en cône sur l'autel et la glisser dans l'embout de la pince. Le rubis tomba dans le trou de chair au milieu de son avant-bras, et un gel enlisa pour toujours la pierre précieuse à son organisme. Un dernier écartement fut nécessaire pour dégager la pince et la retirer. Seulement alors, la bouche de l'héritière s'ouvrit et put exhaler en silence. Quand le dévot libéra enfin de son emprise le bras de Zélé, elle résista à l'envie de le faire immédiatement retomber le long de son corps ou de le saisir avec son autre main. Au lieu de cela, elle le garda levé à l'horizontale, attendant la fin complète de l'opération. Le vieil Upléen chétif prit le dernier objet nécessaire disposé sur l'autel, un long bracelet cuivré en forme de tuyau à l'intérieur duquel il glissa le bras de la princesse. À l'extrémité, près du coude, un ornement laissa un espace, intégrant parfaitement au bracelet le rubis implanté. Les deux bijoux semblaient ne former qu'un. Seulement alors, Zélé redescendit son bras le long de son corps. Le dévot l'invita à s'avancer dans l'allée principale, vers la sortie, où un à un, les invités présents la suivirent dans un silence absolu, qui traduisait leur stupéfaction. Du haut du balcon, la reine Zignouma ne pouvait dissimuler le sourire d'orgueil qui ornait son visage. Zéma, pas un cri, pas un son. Épouillé de l'histoire, nous n'avons jamais vu cela, une volonté de faire. La reine était fière de sa fille. La princesse avait même fait preuve de plus de sang-froid qu'elle-même lors de sa cérémonie d'implantation. Quand ce même dévot l'avait surprise en plantant vigoureusement et sans avertissement la pince dans son avant-bras, elle était restée muette mais avait suffisamment fléchi ses genoux pour que tout le plan de sa robe touchât le sol. Zélé avait failli commettre la même erreur que sa mère, mais elle avait réagi assez rapidement pour qu'aucun reproche ne puisse lui être fait dans les articles que la presse s'empressait déjà de rédiger. La presse ne pourrait qu'encenser la princesse. La reine Zelenouma ne supportait pas l'échec, et elle n'en comptait que deux, qui étaient deux de trop pour elle, dans sa vie. Ne pas avoir été assez forte pour ne pas fléchir sous la douleur de l'implantation du rubis, et ne pas avoir été capable de mettre au monde une héritière. Cependant, ce dernier point, n'étant pas de notoriété publique, il n'entachait en rien son honneur, et l'enfant sauvage qu'elle avait choisi se révélait être la plus parfaite des héritières qu'elle aurait jamais pu concevoir. Elle serait sa digne remplaçante le moment venu.